Bienvenue au Front Populaire. Bienvenue au Front Populaire pour augmenter nos salaires, augmenter nos retraites. Qui peut le faire? Le Front Populaire. Faire la poche aux milliardaires. Qui peut le faire? Le Front Populaire. Changer nos vies contre la vie chère. Qui peut le faire? Le Front Populaire. Bloquer les prix pour changer nos vies contre la vie chère. Qui peut le faire? Le Front Populaire. Des fascistes remplis de mensonges, remplis de haine. Les voilà, les racistes du RN. Ce sont des fascistes remplis de mensonges, remplis de haine. Les voilà, les racistes du RN. Ce sont des fascistes remplis de mensonges, remplis de haine. Les voilà, les racistes du RN. Ce sont des fascistes, remplis de mensonges, remplis de haine. Les voilà, les racistes du RN. Ce sont des fascistes, remplis de mensonges, remplis de haine. Les voilà, les racistes du RN. Ce sont des fascistes remplis de mensonges, remplis de haine. Les voilà, les racistes du RN. Ce sont des fascistes remplis de mensonges, remplis de haine. Ah, finalement, on est toujours là pour le Front Populaire, et c'est bien comme ça. Ah, finalement, on est toujours là pour le Front Populaire. On reste au combat, nous on veut toujours lutter pour l'urgence climatique, pour l'urgence démocratique, pour l'urgence sociale, pour l'urgence fiscale, pour la paix. Ah, finalement, on est toujours là. On reste au combat, augmenter nos salaires, augmenter nos retraites, faire la poche aux milliardaires. Qui peut le faire? Le Front Populaire pour changer nos vies, blocage des prix contre la vie chère. Qui peut le faire? Le Front Populaire. Ah, finalement, on est toujours là pour le Front Populaire. Et c'est bien comme ça, ah, finalement, on est toujours là pour le Front Populaire, on reste au combat. Le RN jette un voile terne sur nos avenirs. Combattre les mensonges, combattre le RN, qui peut le faire? Le Front Populaire, le RN met un voile terne sur notre avenir, contre leurs mensonges, contre leur haine. Qui peut le faire? Le Front Populaire. Ah, finalement, on est toujours là pour le Front Populaire. On mène le combat. Ah, finalement, on est toujours là pour le Front Populaire. On mène le combat. Nous, on veut toujours lutter pour l'urgence climatique, pour l'urgence démocratique, pour l'urgence sociale, pour l'urgence fiscale, pour la paix. Ah, finalement, on est toujours là pour le Front Populaire. On reste au combat. Ah, voilà. Ouais, ça vous fait du son, là?